Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions enregistrées autour de la philosophie des comédies musicales. Aujourd'hui, quatrième et dernier temps, Mary Poppins. Dans la famille des détracteurs des comédies musicales, je demande Pamela Travers, dont le deuxième roman, publié en 1934, connaît un succès international. Son titre ? Mary Poppins. Et il faudra presque 20 ans pour que Walt Disney trouve les mots pour la convaincre d'adapter à l'écran les aventures de la gouvernante de choc. Et c'était pas gagné. Ah, vous voilà, enfin. Oh, ma chère. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de faire enfin votre connaissance. Tout l'honneur est pour moi, Monsieur Disney. Oh, Walt, voyons, il faut m'appeler Walt. Monsieur Disney était mon père, n'est-ce pas, Don? Absolument, Walt. Suivez-moi, suivez-moi. Tommy, dites bonjour à la seule et unique Pamela Travers. Très heureuse de vous rencontrer. Vous savez, quand ma fille Diane a fêté son 7e anniversaire... Oh, je peux vous offrir quelque chose à boire, café? Un peu de thé serait extrêmement appréciable. Enfin, elle devait avoir 7 ans. Je suis passé devant sa chambre, elle lisait une histoire à sa sœur Sharon, et ses deux fillettes riaient à s'en tenir les côtes. Et ce soir-là, je leur ai dit, mesdemoiselles, qu'est-ce qui vous fait rire? Et Diane a dit, papa, c'est évident, Mary Poppins. Je ne savais même pas ce que t'es une Mary Poppins. Je vous ai clairement dit, quand vous m'avez contacté il y a 20 ans, que je ne voulais pas la vendre. Je voulais répéter au début de l'année suivante. Et il me semble vous l'avoir répété ad nauseam. Et ce, pendant près de 18 ans. Et à l'heure actuelle, je me sens comme prise au piège. Non, non. Cette femme magique issue de votre seule imagination, vous allez enfin pouvoir lui parler, la rencontrer et l'entendre chanter. Vous n'avez pas l'intention de faire de ce film une comédie musicale? Non, mais bien sûr que si. Non. Non. Non. Monsieur Disney, Mary Poppins ne chante pas. It's supercalifragilistic, expialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilistic, expialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word that saved me aching nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Bonjour Fanny Beuret. Bonjour. Bonjour Thierry Beauchamp. Bonjour. Bienvenue à tous les deux sur le chemin de la philosophie. Fanny Beuret, vous êtes docteur en études cinématographiques, chargée de cours aux universités Paris-Nanterre et Paris-Diderot, et l'auteur d'un livre sur la comédie musicale hollywoodienne classique, paru il y a un an, tout juste aux presses universitaires de la Sorbonne. Thierry Beauchamp, vous êtes attaché de production à France Culture. Oui. Et traducteur et grand connaisseur de l'œuvre de Pamela Travers. Est-ce que c'est vrai qu'elle ne voulait pas que Mary Poppins chante? Oui, c'était vrai. Elle avait un problème surtout avec Walt Disney. C'est pour ça que Walt Disney a mis 30 ans à obtenir les droits. Je pense vraiment que c'était une affaire d'argent pour elle. Ça lui a permis de changer littéralement de vie. Mais elle a voulu avoir un contrôle sur l'adaptation du film parce que elle trouvait que les productions de Walt Disney étaient vulgaires, qu'elle tirait vers le bas son histoire. Faut pas oublier qu'elle était née en 99, issue d'un milieu déclassé mais très bourgeois, qu'elle avait une très haute idée de son travail, qu'en plus, elle se piquait d'ésotérisme, de toutes sortes de mythologies, etc. Et pour elle, l'industrie du cinéma, c'était évidemment l'industrie de la vulgarité. Elle finit quand même par signer un contrat de 100 000 dollars. Oui. Donc, oui, ça change sa vie. Oui. Oui, ça a complètement changé sa vie. Ça lui a permis de se consacrer à toutes sortes d'aventures mystico-poétiques. Elle a notamment été une élève assidue de Gurdjieff, si vous voulez. Donc je pense que Gurdjieff a dû... Qui est Gurdjieff? Alors c'était un gourou, un mystique un peu escroc sur les bords, mais les deux ne sont pas incompatibles, et qui vivait des dons de ses élèves, qui considérait qu'on était tous des idiots et que l'idiot devait rechercher la lumière, et pour cela, la danse était un des moyens les plus sûrs. Donc la danse, ça fait partie de la vie de Pamela Travers. Elle a été elle-même danseuse professionnelle et actrice professionnelle pendant un court temps, quand elle avait une vingtaine d'années en Australie. Et après, elle est devenue journaliste. Et lorsque les histoires de Mary Poppins sont sorties, à partir de 1934, elle s'est consacrée uniquement à la littérature. Donc, elle dansait, mais elle voulait pas que son personnage ne danse. Alors pourtant, dans ce film, qui finit par sortir le 27 août 1964, et qui va remporter 5 Oscars, Fanny Beuret, alors là, on est dans la comédie musicale, dans ce qu'elle a de plus classique. Est-ce que c'est vrai ou pas? Chronologiquement, on est quand même à la toute fin de la période classique de la comédie musicale. On est en 64, donc le genre commence à s'essouffler depuis le milieu des années 50. Donc là, on est plutôt en fait sur les tout derniers feux de la comédie musicale. Et ces tout derniers feux, ils vont être portés dans les années 60, beaucoup par Julie Andrews, avec Mary Poppins, et l'année plus tard avec Les Mélodies du Bonheur. C'est un peu les derniers très grands classiques familiaux, pour le coup, que le genre va connaître dans les années 60, avant de tomber totalement en désuétude. Donc on est plutôt à la fin de la comédie musicale. Mais bien sûr, ce film va s'inscrire dans toute l'histoire de ce qui a été fait les trois décennies précédentes. Sur plein d'aspects, c'est quand même une comédie musicale très classique. Je pense par exemple au fait que Mary Poppins, c'est une comédie musicale qu'on dit intégrée. C'est pas une comédie musicale qui se déroule dans l'univers du spectacle, mais une comédie musicale qui se déroule dans un univers tout à fait réaliste. Nonobstant, bien sûr, toute la magie qu'elle va apporter, on y reviendra. Ouais. Donc, les numéros musicaux, c'est pas des répétitions, c'est pas des spectacles, c'est des moments qui vont faire avancer l'action, qui vont faire progresser les personnages dans leur quête, dans leur connaissance mutuelle, et aussi dans leur cheminement, puisqu'il y a quand même pas mal de cheminement, surtout concentré sur un personnage, qui est surtout le personnage du père, qui va beaucoup évoluer au fil du film et des chansons. Et alors, en quoi est-ce que cette comédie musicale se distingue, alors rapidement, même si on a toute l'heure pour explorer et écouter cette comédie musicale, en quoi est-ce qu'elle se distingue des comédies dites classiques des années 40 et 50? On va dire que ça va être plutôt finalement sur la promotion, sur le contexte de sortie, que ça va changer plutôt que sur le film lui-même, puisque en plus comme le film est situé dans le passé, donc au tout début du siècle, ça reste assez classique. Ce qui va changer peut-être, c'est que c'est finalement moins dansé que certaines comédies musicales. Je pense bien sûr aux comédies musicales des années 30 avec Fred Astaire, celles des années 40 avec Gene Kelly. Ici, en termes de danse, on va avoir surtout le grand numéro Steps in Time, le numéro des Ramoneurs. Aussi Supercalifragilisticexpialidocious. qui est un mot qu'on ne trouve pas dans le texte, Thierry Beauchamp. Non, c'est une invention. Ce sont des inventions de Walt Disney, mais il y en a beaucoup. Tous les aspects les plus spectaculaires, je dirais, les plus cinématographiques, ont été trouvés par les scénaristes de Walt Disney. Ils se sont appuyés sur des séquences de plusieurs histoires des deux premiers livres de Mary Poppins, Les Aventures de Mary Poppins et Le Retour de Mary Poppins, mais à chaque fois, on peut comprendre la réaction de Pamela Travers pendant l'écriture du scénario, parce qu'elle voyait jour après jour le film s'éloigner finalement de ses idées, de ses conceptions. Alors c'est passionnant quand même de comparer, et on va le faire aussi en cours de cette émission, le texte et le film. Déjà parce que moi, ça m'a donné l'occasion de découvrir ce texte que j'avais jamais lu, et c'est génial, vraiment. Et j'ai découvert aussi qu'il n'y avait pas juste une Mary Poppins, il y a toute une suite. C'est comme les Martines à la plage, à la montagne. Il y a Mary Poppins qui va au parc, Mary Poppins ouvre la porte, Mary Poppins dans la cuisine. Et ce sont des titres génériques, pourrait-on dire, mais en fait, à chaque fois, ce sont des recueils d'histoires de Mary Poppins, et il n'y a pas nécessairement de continuité chronologique. Mais il y a un style vraiment particulier, c'est un style, alors elle a un style de conteuse, cette Pamela Travers, c'est un pseudonyme, d'ailleurs, oui, nom oui. De plume. Travers, oui, son nom véritable était Goff. Ellen Lyndon Goff. Oui, c'est le nom de son cher papa. Et on va entendre quelques extraits en écoutant le film. On va reprendre le film à son début, puisque la fameuse chanson Supercalifragilisticexpialidocious n'arrive pas exactement au début, mais un peu après. Le contexte, on l'a dit, c'est début du siècle. Les femmes se battent pour obtenir le droit de vote, ce sont les suffragettes. C'est le personnage de la mère dans la famille Mary Poppins. Voici donc un extrait d'une archive de suffragettes et puis le début du film. Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes avec à leur tête Madame Louise Weiss envahirent le terrain. Madame Louise Weiss est venue à notre micro et nous lui avons demandé le but de cette manifestation. Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associés à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. Si nos suffragettes veulent avec une telle force, avec une telle passion, conquérir un nouveau statut civil et politique, c'est pour améliorer le sort du peuple, pour l'aider à enfanter la mystique de force et de bonheur vers laquelle il tend. We're clearly soldiers in petty coats, dauntless crusaders for women's votes. Though we adore men individually, we agree that as a group they're rather stupid. Mrs. Banks! Cast off the shackles of yesterday, shoulder to shoulder into the fray, our daughters' daughters will adore us. And they'll sing in grateful chorus. Well done, sister suffragette. Be that as it well may. Well done, Banks. Well done, Banks. Well done, Banks. What is it, Katie Nana? Qu'est-ce qu'il y a, Katie Nounou? Madame Banks, j'ai une chose fort importante à vous dire. C'est urgent. Où sont les enfants? Les enfants, madame, ne sont pas ici. Et j'ai le regret de dire qu'ils sont de nouveau partis je ne sais où. Voyons, Cathy, il y a là beaucoup d'étourderies de votre part. N'est-ce pas la troisième fois depuis 8 jours? C'est la quatrième, madame. Et je dois vous avouer qu'il me donne bien trop de soucis. Je n'aime pas d'ordinaire, mais dire qu'en des enfants dont j'ai la charge... Qu'en pensez-vous? Oh, cela, j'en ai aucune idée. Vous m'obligeriez, s'il vous plaît, en me payant mes gages. Oh, tout Jésus, Cathy, auriez-vous le cœur de nous quitter? Songez à ce que M. Banks dirait. Il va être bien suffisamment contrarié de ne pas trouver les enfants à la maison. Hélène, prenez ça et cachez-le. C'est le genre de chose qui met hors de lui, M. Banks. Oui, madame. Oh, Cathy Nounou, je vous en supplie, réfléchissez encore. Songez un peu aux enfants et à Monsieur Banks. Souvenez-vous qu'il commence tout juste à s'habituer à vous. Le propos du film est aussi politique, Fanny Burr. On peut le comprendre comme ça, puisque dès l'ouverture, on se rend compte que la mère elle-même est en pleine campagne et en plein combat pour obtenir le droit de vote. Oui, puisque donc Winifred Banks, Madame Banks, elle est suffragette, donc elle se bat pour le vote des femmes. Et il me semble, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais que c'est un ajout par rapport au livre. Complètement, et je dois dire que cet aspect politique, il faut le prendre avec des pincettes. Moi, j'y vois surtout un cliché américain sur une période de l'histoire anglaise. Hein. C'est un peu comme s'il s'intéressait aux Français avec sa baguette sous le bras et son béret. Hein. Parce que Pamela Travers n'a rien de féministe. Ah, Pamela Travers est une proto-féministe, mais d'un tout autre genre. Son combat n'est pas tellement sur le terrain de la politique ou des droits civiques. Il est sur le terrain de l'émancipation individuelle, spirituelle. Elle a tracé sa propre route toute sa vie. Elle n'a jamais dépendu d'un mari. Elle ne s'est jamais mariée d'ailleurs. Si elle a dépendu de temps en temps de gourou, elle en a toujours eu plusieurs à la fois, si j'ose dire. Toute comparaison avec d'autres situations de la vie, évidemment, serait fortuite. Fortuite, mais pourtant bienvenue, je crois, dans le cas de Pamela Travers, non? Je ne veux pas trop m'aventurer, mais... Tout ce qui relève de sa sexualité est assez mystérieux. Elle a eu des amitiés féminines extrêmement fortes et ses amitiés masculines allaient toujours vers des figures paternelles. Comme celle de George William Russell, dit A.E., l'éminence grise de la Renaissance irlandaise qui l'a encouragé à écrire les histoires de Mary Poppins et qui était un très grand connaisseur des mythologies en général et celtiques en particulier. À l'inverse, dans le film, on a quand même une famille extrêmement sage, une sexualité extrêmement sage, même pas du tout de sexualité, on peut le dire. Oui, c'est plus grande tradition pour le coup de la comédie musicale classique. C'est vrai, montre absolument la sexualité. Si je peux me permettre, il y a très peu de sexualité, sauf que Julie Andrews déborde d'érotisme, on peut dire. Elle a un sourire, un regard et un physique dans sa manière de danser qui a quelque chose de très sexué, quoi, si je puis dire. Bah, elle peut vous entendre, hein, puisque Julie Andrews... Elle est toujours de ce monde, c'est vrai. Et écoute, peut-être les chemins de la philosophie. Elle danse peut-être toujours encore. Ce serait pourtant, si on revient au début du film, Fanny Murray, un contresens ou pas que de parler de féminisme à l'égard de ce film? Non, pas forcément. Enfin, donc c'est vrai que cette première chanson, donc c'est une chanson forte, hein, très galvanisante dès les toutes premières minutes de film. Madame Banks donc chante cette chanson à d'autres femmes, donc à ses deux cuisinières et à une nounou qui est en train de démissionner, et elle arrive momentanément en fait à les galvaniser. Voilà, tout le monde est dans l'euphorie féministe, mais bien sûr, bon, la chanson est très caricaturale. Effectivement, c'est un peu une image d'Épinal des suffragettes, hein, aussi sans doute pour bien replacer dans le contexte. Et la maman est une tête de linotte dans l'ensemble. Hein. Voilà. Ce qui n'était pas le cas de la maman de Pamela Travers. Et on est sur une vision très très édulcorée du féminisme, une chanson évidemment un petit peu caricaturale, même qu'on dit voilà, on aime les hommes individuellement, mais en groupe ils sont un petit peu stupides. Et surtout, dès que Monsieur Banks arrive, hein, c'est répété dans le film, on arrête tout, hein, parce qu'on sait combien la cause énerve Monsieur Banks. Je pense que ça résume en fait assez bien les ambiguïtés du film par rapport à la question féministe, parce que évidemment c'est pas du tout quelque chose qui est condamné par Disney, hein, ses aspirations de Madame Banks. Au contraire, c'est un personnage sympathique qui... C'est plutôt les hommes qui vont être moqués, finalement, notamment dans la séquence d'après. En fait, la séquence qui suit, quand Monsieur Banks arrive, lui, il va avoir une chanson où il se décrit en espèce de patriarche qui règne sur toute la maisonnée. Voilà, content de satisfait de sa vie. Mais en fait, c'est tellement émonté, c'est tellement exagéré qu'on sent que le film... Il est au bord du ridicule. Voilà, c'est de lui qu'on se moque, en fait, dans le film. Donc, bon, ça désamorce cette supériorité supposée masculine. Mais malgré tout, bon, à plusieurs moments dans le film, c'est quand même suggéré que c'est à cause, ou en tout cas en raison de ses engagements politiques, et en l'occurrence féministes, que Madame Banks ne s'occupe pas forcément très bien de ses enfants. Je pense en particulier à la séquence où les enfants reviennent de la banque. Bert, donc le ramoneur, les a trouvés sur le chemin. Il les ramène à la maison. Madame Banks doit sortir de la maison à ce moment-là. Mary Poppins n'est pas là parce que c'est son jour de congé. Elle a insisté que pour avoir droit à ses congés. Et L'importance du travail, on va y revenir. Ouais. Madame Banks laisse ses enfants à Bert, qu'elle ne connaît pourtant pas du tout. Donc, bon, voilà, ça, c'est suggéré que ça l'empêche quand même, ce rassemblement féministe l'empêche de bien s'occuper de ses enfants. Après, aussi la question de la figure de Mary Poppins, qui est une figure de femme indépendante, émancipée, qui donc oui fait reconnaître son travail, hein, fait reconnaître ses droits. C'est une femme autonome, une femme qui n'a pas peur aussi d'aller parfois, même si elle est évidemment très sexy, c'est Julie Andrews. C'est Julie Andrews, pas le personnage par contre du livre. Et elle n'hésite pas à se salir, comme par exemple dans la scène Step in Time. Elle n'hésite pas aussi à parler en bonne camarade avec les gens du peuple. Toujours en restant extrêmement élégante, digne, avec ses gants blancs et le dos bien droit quand même. Toujours. Et pourtant, toute cette autonomie en fait, qu'elle revendique, c'est hors de toute dimension politique. Et on voit bien que si elle se lie pas spécialement d'amitié avec Mrs. Banks, si elle condamne pas ses engagements politiques, bon, on n'a aucune solidarité non plus. Quoi. Elles sont vraiment étrangères l'une à l'autre. Donc il y a cette figure de Mary Poppins qui, je pense, peut en faire un film, sinon féministe, en tout cas en faveur d'une émancipation, en tout cas qui présente des figures de femmes fortes et autonomes, et pourtant c'est soustrait de toute dimension politique. Thierry Beauchamp. Oui, il faut quand même se rappeler qu'il était Walt Disney, qui n'était pas un modèle de féministe, qui est un homme même profondément réactionnaire. Moi, je crois vraiment qu'il s'amuse avec le personnage de la mère. D'ailleurs, je pense que ça fait partie des choses qui ont dû gêner Pamela Travers, parce que la mère dans le film est une femme suractive, en gros, une bourgeoise qui s'ennuierait sinon, et donc qui va à ses manifestations comme elle irait au spectacle, ou elle a besoin de faire autre chose et de ne pas s'enfermer dans son rôle de mère. C'est en ce sens que involontairement, je dirais presque, il y a quelque chose du discours féministe. Dans le livre, la mère n'est pas dans cette situation-là. C'est une mère surmenée, une mère dépassée. D'ailleurs, la famille est moins riche, est moins bourgeoise dans les livres que dans le film. Et quant à Mary Poppins, elle a toutes les apparences extérieures d'une nounou, tout ce qu'il y a de plus conformiste et traditionnel de l'époque, à mi-donnée, hein, est très dure, elle a très peu d'expressions, et ce sont souvent des expressions de rejet, des reniflements, et elle est très froide. Mais c'est une intermédiaire entre deux dimensions. Et en fait, sa dimension à elle, c'est le monde mythique, c'est le monde des contes, c'est le monde du merveilleux. Bert, qui existe dans les livres, dans une des histoires... Dont Bert l'ami ramoneur. Oui, qui est un marchand d'allumettes dans le livre. Et Bert est quelqu'un qui participe de ce monde du merveilleux. Il est dans l'entre-deux lui aussi. Et toutes les promenades, chaque histoire de Mary Poppins, c'est une promenade en fait, une rencontre. C'est une promenade dans un lieu de passage entre le monde réel et le monde imaginaire, ou la rencontre d'un membre de l'autre monde, en quelque sorte. Mary Poppins, c'est-il un film pour les enfants? Est-ce que les comédies musicales ont pour public principal les enfants ou pas? Voici en tout cas le point de vue des enfants. Peu de temps après le début du film, Jen et Michael Banks viennent s'excuser auprès de leur père, hein, de s'être enfuis et d'avoir causé donc le départ de Cathy Nounou, Cathy Nana. Et ils écrivent une lettre ensemble pour appeler de leur vœu une nouvelle nounou, dont voici la description, ce qui va causer l'arrivée de Mary Poppins. Oui. Papa, nous venons d'en parler. Et nous sommes désolés pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez raison d'être désolé. C'est méchant de nous sauver. On aurait dû rester avec Cathy. En effet. Et on fera tout pour nous entendre avec la nouvelle nounou. Fort raisonnable. Il serait souhaitable que vous m'aidiez. Nous sommes décidés à le faire et nous avons écrit une annonce dans ce but. Une annonce? Pourquoi? Pour demander une nounou. Vous avez écrit une... Oh, Georges, je vous en prie. Vous avez dit que vous voulez qu'on vous aide. Mais je... Oh, très bien. On demande une nounou pour deux adorables enfants. Adorable. Well, that's debatable, I must say. If you want this choice position, have a cheery disposition. Jane, I don't... Rosy cheeks, no warts. That's the part I put in. Play games, all sorts. You must be kind, you must be witty. Very sweet and fairly pretty. What of all the ridiculous... George, please. Take us on outings, give us treats. Sing songs, bring sweets. Never be... Et voilà comment Mary Poppins alla demeurer au numéro 17 de la ruelle des Cerisiers. Et bien qu'on se prit parfois à regretter les jours plus ordinaires et plus tranquilles où Cathy Nana dirigeait la maison, tout le monde, somme toute, était content de l'arrivée de Mary Poppins. Mr. Banks était content parce qu'elle était venue d'elle-même et que le trafic n'ayant pas été dérangé, il n'avait pas eu de pourboire à donner au policeman. Madame Banks était contente parce qu'elle pouvait dire à tout le monde que ses enfants avaient une bonne scie moderne qu'elle ne croyait pas aux références. Madame Brill et Helen étaient contentes parce qu'elles pouvaient boire de grandes tasses de thé dans la cuisine tout le long du jour et n'avaient plus besoin de présider au repas dans la nurserie. Robertson High était content lui aussi parce que Mary Poppins n'avait qu'une seule paire de souliers et qu'elle les cirait elle-même. Mais personne ne connut jamais les sentiments de Mary Poppins, car Mary Poppins ne disait jamais rien à personne. Thanks. Thank you, most interesting. Now I think we've had quite enough of this nonsense. Please return to the nursery. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, dernière émission sur les comédies musicales aujourd'hui, Mary Poppins en compagnie de Fanny Beret et de Thierry Beauchamp. Je viens de lire un extrait du texte donc de Mary Poppins, écrit par Pamela Travers, qui donne une idée du ton, très caustique, très humoristique et en même temps elliptique. Les phrases ne sont jamais très longues, on passe d'une situation à une autre très rapidement, on sourit presque tout le temps, et l'insistance qui est mise sur l'arrivée de cette Mary Poppins qui ne dit jamais rien à personne. C'est un personnage quasiment mutique, elle insiste là-dessus. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un autre classique de la littérature enfantine? Ce genre de personnage un peu mutique, mystérieux, et qui agit de manière parfois complètement absurde. Alice au Pays des Merveilles. Oui, c'est ça. On pense beaucoup à Alice. C'est vrai. C'est une des influences littéraires directes, avec probablement aussi Peter Pan de James Barry. Mais ça, c'est dans le Walt Disney, c'est pas... ou dans l'imaginaire aussi de Pamela Travers? Non, dans l'imaginaire de Pamela Lyndon Travers. Ce sont des références directes pour elle. En plus de tout ce qui l'intéressait dans les contes et légendes du monde entier, qui était sa grande passion. Elle a même, s'est même occupée d'une revue sur la mythologie pendant de nombreuses années qui s'appelait Parabola, des articles absolument passionnants sur les figures féminines, par exemple, dans les contes de fées. C'est des choses qu'il faudrait un jour traduire. Alors, on entend le point de vue des enfants. Est-ce qu'on peut dire que ce film s'adresse particulièrement aux enfants, Fanny Beret, ou pas plus que les autres comédies musicales? Oh bah si, quand même plus que d'autres comédies musicales classiques, parce que c'est Disney. La comédie musicale, ça a toujours été un genre pour toute la famille, mais surtout au sens... pour le public le plus large possible, on ne mettra pas... C'est populaire. C'est populaire, c'est très populaire, hein, c'est le genre presque le plus populaire d'entre tous. Et ici, en ayant aussi des enfants comme protagonistes principaux, on s'adresse en priorité aux enfants, mais aussi à leurs parents. Mais je pense que ça vient surtout du fait que c'est un film Disney, plus que du fait que ce soit une comédie musicale. Est-ce que le fait que ce soit un film Disney nuit à l'interprétation qu'on peut avoir de ce film? En clair, de même que Pamela Travers était réticente à l'idée de l'adaptation de son texte à l'écran, est-ce que, quand on est spécialiste des comédies musicales, soit de manière professionnelle comme vous, soit en tant qu'amateur, on se dit, ouais, Disney, ça veut dire que ça va être un peu moins bien? Pas forcément que ce sera un peu moins bien, mais que ce sera pour les enfants, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a quelque chose de la firme qui fait que ça... pas forcément ça nuit, mais en tout cas, ça joue dans notre prisme de lecture du film. On peut pas dissocier Mary Poppins de Walt Disney. En plus, c'est un projet très personnel. Son dernier projet, enfin, le dernier film qui sera produit de son vivant. Donc, Thierry Beauchamp. C'est quand même assez subtil, parce que c'était quand même un génie, Walt Disney, et il y a quand même un certain nombre de séquences qui sont directement dirigées vers le public des parents. Hein, je crois qu'il a su ménager des équilibres. Mmh. Par exemple, la séquence des banquiers, il y a des doubles sens. Mais c'est un peu le problème de ce film, si je peux me permettre, c'est qu'il y a un moment, la deuxième moitié du film me paraît très longue pour des enfants. C'est que la séance à la banque, la séance avec la femme qui donne à manger aux pigeons, on change de ton, c'est plus lugubre, c'est plus inquiétant, et effectivement, ça s'adresse aux parents. Donc en fait, du coup, la moitié s'adresse aux enfants, l'autre parent. Et bizarrement, ça a formidablement bien marché. C'est probablement parmi les films de Disney l'un des plus... À 5 Oscars, je le disais. Voilà. Ouais. D'abord, il a eu une pelletée de récompenses. Mais quand on s'adresse aux gens qui étaient enfants à l'époque de sa sortie, on voit que ça les a marqués pour toujours. Autant que le livre de la jungle, par exemple, qui est un des autres grands chefs-d'œuvre de Walt Disney, une autre grande trahison d'un texte d'un auteur britannique. Il y a sans doute l'importance donnée à ce personnage de la nounou. Je ne sais pas s'il y a des équivalents dans d'autres films ou dans des comédies musicales ou même dans des textes littéraires. La nounou serait le personnage principal. Donc forcément, ça séduit les enfants et les parents, parce que c'est souvent le lien entre l'un à l'autre. Et en plus, c'est une nounou magicienne, Fanny Burret. Oui, non, c'est sûr que de toute façon, Julie Andrews, ça sera la nounou archétypale, du coup, ne serait-ce qu'avec les deux films. C'est fait une spécialité des films de nounou, si on peut dire, dans les années 60, et que ça reste une sorte d'image, de stéréotype indissociable, qui va coller à la persona de Julie Andrews pendant longtemps. Et oui, c'est une nounou, et un peu plus qu'une nounou, parce que elle fait des choses extraordinaires, donc elle emmène les enfants dans des contrées fantastiques, où elle leur apprend des mots totalement saugrenus, hein, auxquels Mr. Banks est tout à fait réticent. Il emploie à plusieurs reprises le terme de nonsense, hein. Tout ce que Mary Poppins leur fait découvrir, c'est du nonsense, c'est de la fantaisie en somme, mais c'est un monde que lui ne veut pas voir. Et finalement, un monde auquel il sera converti. Et là, pour le coup, c'est quelque chose d'hyper classique dans la comédie musicale. On pourrait presque dire que toutes les comédies musicales, c'est des histoires de conversion à ce qu'on peut appeler l'esprit de l'entertainment, donc cette joie de vivre qui est si particulière et propre à ce genre, lorsque la MGM, un grand studio producteur de comédie musicale, va dans les années 70 faire un film hommage à documentaire hommage au genre de la comédie musicale, elle appelle ça « That's Entertainment » pour dire que la comédie musicale, c'est de l'entertainment. Ce qui est le titre de votre livre. Aussi, par ailleurs. Mais alors soyons précis sur les termes, parce que c'est très important ce que vous dites. Vous dites c'est fantastique, merveilleux, extraordinaire. Dans quel registre sommes-nous dans la comédie musicale en général et dans ce film en particulier? Alors ici, on est typiquement dans ce qu'on peut appeler la « fairy tale musical ». Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Rick Altman qui a théorisé différents sous-genres de comédie musicale, et un de ces sous-genres, c'est la comédie musicale conte de fées. Donc la comédie musicale conte de fées se caractérise par ce dépaysement dans des univers absolument extraordinaires et merveilleux. Ici, on est bien sûr très proche du conte, hein, et Mary Poppins va donc amener ses enfants, Jane et Michael, dans des contrées merveilleuses, et elle va les amener dans ces contrées en musique. C'est à la faveur des numéros musicaux que va émerger ce merveilleux, et aussi à la faveur de tout ce que propose le cinéma, notamment les effets visuels, les effets spéciaux qui sont très très abondants et innovants pour l'époque, hein. C'est peut-être quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui à force de revoir le film, hein, mais Julie Andrews en parle elle-même dans ses mémoires, c'est que aujourd'hui on a oublié presque la gageure technique que représentait Mary Poppins à l'époque, presque une espèce de projet fou de Disney sur le point technique, comme s'il essayait dans ce film de montrer tout ce que le studio Disney pouvait faire d'un point de vue technique. Je pense en particulier à tout ce qui est mélange entre prise de vue réelle et animation. Donc c'est surtout le cas dans Supercalifragilisticexpialidocious, qui est la grande séquence qui va mêler les deux types de personnages, hein, parce que Mary Poppins et Bert vont chanter et danser avec des personnages de dessin animé. C'est pas la première fois où on fait ça au cinéma, on l'a fait dès le... Le Dragon et Quatre Citrons, dès le début des films d'animation, mais Walt Disney, c'était une obsession, et ils avaient fait une première tentative dans un ajout au dessin animé Le Dragon et Quatre Citrons, adaptation d'un conte de Kenneth Graham, l'auteur écossais, et en fait, un personnage en chair et en os, qui n'était autre que l'un des plus grands humoristes de l'histoire de la littérature américaine, Robert Benchley, qui servait de guide à travers les studios de Walt Disney, et qui rentrait dans le dessin animé pour montrer les personnages, etc. Donc c'est la première tentative, et si ma mémoire est bonne, ça doit être juste après la guerre. D'accord. Ouais. Ben, je crois qu'il avait déjà expérimenté en fait dès les années 20. Donc c'est en ça qu'en fait le film est à la fois fantastique et merveilleux. Si on dit que le fantastique c'est la vie quotidienne qui tout d'un coup est déréglée par Mary Poppins qui va fouiller dans son sac et en sortir un lampadaire. Et le merveilleux étant, au contraire, un monde qui est complètement différent du nôtre, celui d'Alice au Pays des Merveilles, justement, il y a vraiment les deux dans Mary Poppins. Pleinement, on est pleinement dans les deux registres. Thierry Beauchamp, encore un mot? Oui, j'entends réagir là sur votre emploi du mot merveilleux. Moi, me semble-t-il, le merveilleux, c'est un sentiment qu'on pourrait comparer à celui de la surprise, c'est le moment du retournement du sens. Tout à coup, les choses ne sont pas ce qu'elles semblaient être. Et ça, c'est l'univers de Pamela Travers. Le merveilleux est à la fois une réalité, un espace de vie, mais c'est surtout un moyen d'accéder à un autre niveau de conscience. Un thème qui est permanent dans ses écrits, c'est l'idée de réconciliation des contraires. C'est un thème ésotérique, tout ce qu'il y a de plus classique, et qu'on retrouve dans la fameuse devise attribuée à Hermès Trismégiste. Tout est en haut comme ce qui est en bas dans le miracle d'une seule chose. Elle en fait la démonstration, en fait, au fil de ses histoires. Mais ces histoires sont dans le merveilleux. Oui, absolument, oui. Ça nous emmène complètement ailleurs. Elle a tout d'une fée ou d'une sorcière dans ses pratiques. C'est à la fois, c'est celle par qui le merveilleux arrive. On va assister à son premier tour de magie, on peut l'appeler comme ça, alors qu'elle s'installe dans la maison des Banks, qu'elle ouvre son sac, qui n'est pas si grand, mais qu'elle en tire une plante verte, un miroir, un lampadaire. Elle propose ensuite aux enfants une activité qui consiste à ranger leur chambre. Alors là, c'est écrit comme tel dans le texte aussi, on voit que elle regarde les boutons pour que ceux-ci se défassent, ou qu'elle habille les enfants juste à l'aide d'un regard. Et elle va chanter cette chanson dans le film Spoonful of Sugar, donc une cuillerée de sucre. Elle emploie par là une métaphore très intéressante, comme si il fallait un petit peu de sucre pour faire couler la médecine, pour faire couler le médicament. Bah, c'est une image employée par Lucrèce, notamment, qui dit que pour faire entendre aux enfants et à son public l'absinthe de son contenu, il faut parfois savoir enrober de miel le contenu à travers la poésie. C'est curieux, je l'emporte toujours avec moi. Il doit être quelque part. Quoi? Mon maître Ruban. Que voulez-vous en faire? Je veux voir combien vous mesurez. Le voilà. Venez par ici. Vite. Tête haute, Michael, et de la tenue. Oui, j'en étais sûre. Extrêmement obstinée et dissipée. Non, c'est pas vrai. Voyez-vous-même. Très obstinée et dissipée. Dissipée. À vous, Jeanne. Fâcheuse tendance à ricaner, ne range pas ses affaires. À vous maintenant. Mais bien sûr, tenez-le, je vous prie. Comme je le prévoyais, Mary Poppins a peu de choses près, parfaite en tout point. Alors, nous nous y mettons, les enfants? Nous nous mettons à quoi? Dans votre annonce, il me semble que vous aviez spécifié que vous désiriez jouer, n'est-ce pas? Oh oui. Parfait, alors. Notre premier jeu va s'appeler « Pour bien faire, il faut bien commencer ». Ça ne dit rien du tout, ce jeu-là. On l'appelle aussi « Rangeons un peu la nurserie ». J'étais sûre que c'était un piège. C'est un jeu, vous l'avez dit, Mary Poppins. Ma foi, cela dépend de la façon de l'envisager. Vous savez, il est vrai que dans chaque travail, il y a un élément au fond qui fait que l'on s'adapte. The job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Quand les médecins veulent donner aux enfants la répugnante absinthe, ils enduisent auparavant les bords de la coupe d'une couche de miel blond et sucré. De la sorte, cet âge imprévoyant, les lèvres seules séduites par la douceur, avale en même temps l'amère infusion et dupe, mais non victime, en recouvre au contraire force et santé. Ainsi fais-je aujourd'hui, et comme notre doctrine semble trop amère à qui ne l'a point pratiquée, comme la foule s'en écarte avec horreur, j'ai voulu te l'exposer dans l'harmonieuse langue des muses et pour ainsi dire, la parée du doux miel poétique. For a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Et oui, Mary Poppins littéraire, Mary Poppins dans la comédie musicale, mais aussi Mary Poppins philosophe. Donc le texte de Lucrèce que j'ai lu reprend exactement mot pour mot The Spoonful of Sugar, le morceau de sucre qui aide la médecine à couler. C'était la technique employée Lucrèce à l'époque, Thierry Oui, Bouchon. Mais il faut rendre à César ce qui est à César et à Walt Disney ce qu'à Walt Disney, ses scénaristes. C'est eux qui sont lucréciens. Tout à leur honneur. Tout à leur honneur. Pamela Travers aurait été plus proche des philosophes du Zen, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Finalement, elle pratique le koan. Elle surprend par l'absurde pour imposer une conscience différente, supérieure. Mais c'est étonnant, alors du coup, cette introduction de cette chanson sur le morceau de sucre, vous connaissez l'histoire, Fanny Beret ? Pourquoi est-ce que l'importance du morceau de sucre, il y a de la médecine à couler ? Ça, c'est de l'anglais, hein. c'est une expression... Mais elle le dit à ce moment-là, comme si... Non, parce qu'après, elle leur fait goûter vraiment un sirop, en plus. Oui, donc oui, la métaphore va très très loin. Une image, mais c'est comme si elle voulait elle-même se justifier de sa magie. En fait, comme si elle voulait le rendre rationnel en disant « mais je fais ça pour adoucir les choses, comme ça vous allez vous-même ranger votre chambre ». Oui, je pense que c'est une technique assez classique d'introduction de numéros de la comédie musicale, parce que voilà, la comédie musicale, le principal problème du genre, ça va être de justifier le basculement entre la parole et le chant, basculer entre des comportements de la vie réelle, parce qu'on ne chante pas et danse pas pour tout motif, malheureusement, dans la vie réelle, et le fait de se mettre à chanter et danser. Et ça, cette petite introduction qui va justifier l'arrivée du numéro, c'est quelque chose d'assez courant. Elle va expliquer, elle va poser en fait le cadre du basculement, tout simplement, dans l'univers enchanté. Et ce qui est assez amusant, c'est ce moment où elle fait l'annonce d'une promesse d'amusement et que les enfants se disent « ah ben non, en fait, ça va être rébarbatif puisqu'on va devoir ranger notre chambre ». Et finalement, avec Mary Poppins, c'est fun de ranger sa chambre parce que tout est magique. Et encore une fois, grand renfort d'effets spéciaux hein, puisque tout va se ranger magiquement. Ils ont tourné à l'envers, je crois. Oui, les voilà, scènes. Ils ont tourné à l'envers les scènes du tiroir, en fait, des tiroirs. Qui s'ouvrent et qui se referment. Les jouets rentrent dans le... Mais alors, comment ils faisaient pour les faire sortir? Bah, il les dérangeait. Enfin, du coup, on voit pas les mains, donc ils ont mis en point une technique pour donner au cube un certain mouvement. Oui, des facements, en fait, des personnes ou des fils, un peu plus probablement des fils, en fait, qui tiraient les vêtements hors des tiroirs. Donc, c'est sans doute le premier numéro où on voit toute la magie de Mary Poppins de façon aussi spectaculaire et visuelle. Évidemment, la séquence du sac avait quand même donné de gros indices, hein, avec, là encore, il y avait un trucage sous la table pour, deux plans, en fait, superposés, avec les accessoires qui étaient sous la table et que Julie Andrews tirait, et ensuite superposer un autre plan où on voit Michael qui regarde sous la table, en fait. Mais c'est vraiment dans ce numéro musical où on voit toute la magie, j'ai envie de dire presque toute la folie au sens de fantaisie de Mary Poppins. Et c'est aussi le numéro où on voit pour la première fois, en tout cas dans le film, toutes les qualités vocales de Julie Andrews, notamment cette trille qu'elle fait avec le rossignol. Et j'ai aussi lu qu'elle avait même doublé le rossignol. C'est elle qui siffle aussi. C'est elle qui chante. C'est Julie Andrews qui chante. Oui, c'est elle qui chante. Ce qui était rare dans les films de Walt Disney ou dans les grandes comédies musicales, où souvent on avait un chanteur ou une chanteuse professionnelle qui doublait les acteurs, non ? Ça dépend. Sur les comédies musicales de cette époque, c'est vrai que Natalie Wood de West Side Story en 61, Audrey Hepburn dans My Fair Lady en 64, sont toutes les deux doublées, mais à l'époque classique, on avait quand même de très grandes chanteuses. Il faut que je cite ne serait-ce que Judy Garland, qui est évidemment chantée pour elle-même. Alors, on y voit le début de la magie de Mary Poppins, mais aussi, j'insiste là-dessus, une dimension vraiment philosophique qui est présente dans le film et sans doute dans le texte aussi. Et je pense à la scène, notamment, où elle se regarde dans le miroir, elle est en train de chanter, et tout d'un coup, le reflet se dissocie d'elle-même. Et en fait, elle voit, Julie Andrews voit son visage dans le miroir, qui lui-même fait une expression différente que celle qu'elle est en train de faire. Et là, on a vraiment la réalité face à la magie ou le merveilleux qui se dissocie et les clés sont données au spectateur. Et ça marche. Mais dire qu'on soit enfant ou pas, on rentre complètement dedans et on se dit qu'il y a peut-être une possibilité qu'en fait ce soit vraisemblable. Au fond, c'est ce à quoi nous assistons en tant que spectateur. Le film est une autre réalité que la nôtre. Donc c'est pas plus invraisemblable que le reflet d'un autre miroir se dissocie de nous. Et alors, la scène du miroir est très Walt Disney, puisque elle est complice, en fait, elle se fait un clin d'œil à elle-même. Ça, c'est du Walt Disney typique, créer ce moment de drôlerie familière, en quelque sorte. Mais il y a un vrai point commun entre le film et le livre, c'est l'idée que le merveilleux va surgir des moments de frustration ou d'ennui. Et là, ça me rappelle André Breton qui disait que ses grandes idées, ses grandes rencontres poétiques se faisaient toujours dans ces périodes de sombre ennui. Et on retrouve un petit peu ce principe-là dans le livre. Et le sac sans fond, il y a aussi quelque chose de très philosophique, me semble-t-il, et il apparaît dans le livre. Ça fait partie des éléments empruntés au livre. Est-ce que Pamela Travers avait, elle, des positions? Alors, vous parlez de l'importance qu'elle accordait au mysticisme, et non, au gourou. C'était sa vie. Mais les contes, dans ses contes, est-ce qu'elle essaie de faire passer une idée ou c'est bien sûr, non, ils sont... Et plus elle a écrit l'histoire de Mary Poppins, plus on sent qu'elles sont imprégnées de sous-entendus, de références mystiques ou aux grands principes de l'ésotérisme. Au début, elle est vraiment... Les deux premiers livres, qui sont les plus populaires, sont aussi marqué par cette influence des classiques de la littérature jeunesse, donc surtout Lewis Carroll et James Barry. Mais au fur et à mesure, elle se sert de l'humour et de la fantaisie pour faire passer l'idée que les contes sont aussi là pour nous rapprocher d'une réalité qui nous échappe. C'est ça. De la même manière que pour Russell, son mentor, la poésie n'était qu'un moyen d'accéder à un ordre supérieur des choses. Alors que ce qu'on retrouve dans la comédie musicale, là encore en général, Fanny Burret, c'est plutôt, et qui est très présent dans Mary Poppins, je ne sais pas si ça l'est dans le texte, en tout cas c'est présent dans le film, c'est l'importance accordée au travail. Les personnages travaillent, ils sifflent en travaillant dans certains Walt Disney. Là, on danse en ramonant, en fait, hein, c'est ce qui se passe. Et le message est très très fort là dans Mary Poppins. Oui, et là pour le coup, effectivement, c'est un des grands thèmes de la comédie musicale classique. Et je pense que c'est lié en fait à l'idéal protestant dans lequel le genre s'ancre, hein, du fait de son histoire américaine. C'est l'idée que on doit travailler pour travailler. Pas forcément pour accéder à l'argent, pas forcément pour accéder à la gloire. Ça, c'est très présent aussi dans les comédies musicales sur l'univers du spectacle. Il faut pas rechercher la célébrité. Il faut prendre un authentique plaisir à chanter et danser, donc à travailler, hein, pour le professionnel du spectacle. Et ça, c'est quelque chose qui traverse toute l'histoire classique du genre. Pour le coup, dès les premières comédies musicales dites de coulisses des années 30 jusqu'à la fin de l'âge d'or avec Mary Poppins, on a cette valorisation du travail qui doit être source d'épanouissement personnel pour celui qui exerce sa profession. Ce qui est doublement le sujet du film, puisque le père, Mr. Banks, travaille dans une banque et il va se faire licencier. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est un film contre le capitalisme financier, ou du moins l'état dans lequel il était à l'époque, alors qu'à la fin du film, il se fait réembaucher. Donc c'est un film faussement subversif. On passe son temps à se demander d'ailleurs, est-ce qu'il est subversif, conservateur ? On n'a pas la réponse à la fin. Oui, sur la question de la critique du capitalisme, ça se fait passer pour une critique de le capitalisme, mais en fait, en c'est rien. Que pour renforcer et le capitalisme. Et peut-être même pour le féminisme, c'est pour ça que la question se pose avec ce film, Thierry Beauchamp. Alors, je tiens à préciser deux choses par rapport au livre et à Pamela Travers. D'abord, elle rejette complètement l'éthique protestante du travail. Donc là-dessus, vraiment... Elle est australienne d'origine irlandaise. C'est ça. Et dans les livres, on voit bien que tous les gens qui sont représentés dans l'exercice de leur profession portent un masque ou ont un chagrin. C'est systématique. Ce sont des... Et le père, dans les livres, et effectivement, travaille dans une banque, mais malheureux et frustré. Et le père de Pamela Travers, lui-même, travaillait dans une banque, a même occupé une fonction importante à un moment, il était directeur d'une agence dans le Queensland, mais il a sombré aussi dans l'alcoolisme. Et un des grands chagrins, c'est pas un hasard si ce personnage est si important et dans le film et dans le livre, c'est la relation de Pamela Travers à ce père qu'elle adorait, qui a réussi à la convaincre qu'elle était plus irlandaise que les Irlandais alors qu'elle était née dans le bush, et par ailleurs qui était un homme qui l'abandonnait puisqu'il est mort de la grippe, mais il était très affaibli par son alcoolisme chronique, et il l'abandonnait, je sais plus, il devait avoir 7 ou 8 ans, et c'est le grand deuil de sa vie. Here, we're up a moat. Leave her alone. Leave my sister alone. Easy now, your old friend. I gotta hurt you. Bert, it's you. In the flesh and at your service. You're filthy. Oh, perhaps a smudge or two. So happens that today I'm a chimney sweep. Figurez-vous qu'aujourd'hui, je suis ramoneur. Nous avons si peur, nous avons couru. Oh, maintenant vous devez être rassuré. Bert va s'occuper de vous comme s'il était votre propre père. Alors, qui vous court après? Notre père nous court après. Votre père? Il nous a amenés avec lui à sa banque. Je ne sais pas ce qu'on a fait, mais je pense que c'est sûrement une chose affreuse. Il a lancé la police après nous et aussi l'armée et tout le monde. Michael, attention, tu exagères. Oh, ce que vous dites là n'est pas croyable. Si, c'est vrai. Asseyons-nous. Vous savez, je vous demande pardon, mais je serais plutôt du côté de votre papa. Enfin, songez qu'il est dans cette froide et sinistre banque toute la journée, étouffé sous des monceaux de pièces glaciales et de billets. Moi, je déteste voir des gens vivre dans une cage. Père, et dans une cage? On fait des cages de toutes les tailles, de toutes les formes. Des belles cages en forme de banque avec des tapis. Ce n'est pas père qui a des ennuis, c'est nous deux. Oh, vous êtes bien sûr de ça? Voyons la question d'une autre façon. Vous avez votre mère qui s'occupe de vous. Et Mary Poppins, et l'agent de police Jones, et moi. Et qui s'occupe de votre père, hein? Dites-moi ça. Vous croyez que père a besoin que nous l'aidions? Dites-moi. Oh, ben, ça c'est pas à moi de le dire. Mais pour un papa, c'est toujours un réconfort de savoir que ses enfants l'aiment. Allez, venez, je vous ramène chez vous. Chim, chimney, chim, chim, cheree. A sweep is as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheroo. Good luck, we're a buff when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss. And that's lucky too. Now, as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this old wide world, there's no happier bloke. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. Good luck, we're above when I shake hands with you. Alors il faut imaginer un ramoneur, deux, trois, plusieurs dizaines qui vont se mettre à danser sur les toits. On est en pleine scène là de comédie musicale, dans ce cas de plus classique, je me permets le terme, où vraiment la voix est alliée au chant. Il faut les imaginer le visage couvert de suie, de nuit sur les toits. Donc il y a un message très fort là aussi. On travaille, on a un travail éreintant, mais on danse et on chante et on est très content de le faire. Tout à fait. Donc, la séquence qui suit, un Steps in Time, où on a tous les ramoneurs qui se mettent à danser ensemble et qui, bon, évidemment, vont montrer une vision tout à fait délirante, hein, des classes laborieuses anglaises, mais voilà, qui sont tout à fait... Mais c'est pas très gilet jaune comme scène, ça, on est d'accord. Oui. Tout à fait heureux d'être couvert de suie et sans doute épuisé, mais voilà, ils dansent avec Mary Poppins et les enfants, donc ouais, cette célébration assez classique, hein, du travail comme source d'épanouissement. Donc on peut dire que c'est une scène qui irait davantage du côté du capitalisme que de sa critique, ça on peut le dire sans risque. Oui, enfin, je pense que la question de la critique du capitalisme se pose plutôt par rapport à la séquence de la banque, où on a donc... Alors racontez-nous, parce qu'on n'aura pas le temps d'écouter. Donc Michael, qui refuse d'investir ses two pence, hein, ses deux pence qu'il a, et son père lui conseille de les placer à la banque, hein, pour voir l'avenir et les faire fructifier. Lui voudrait les donner à la dame qui nourrit les oiseaux devant la cathédrale Saint-Paul, et donc ça, voilà, ça provoque un mini-scandale, ça provoque même la fermeture temporaire de la banque, parce qu'il y a un mouvement de panique et tout le monde veut retirer son argent. Et c'est une séquence qui me semble intéressante, notamment parce qu'apparemment Disney tenait à cette séquence, et c'est une séquence où on montre toute la rapacité des banquiers. Mmh. On a le vieux monsieur Dawes, hein, le responsable de la banque, qui est aussi joué par Dick Van Dyke, grimé en vieux monsieur, qui va poursuivre le petit garçon pour lui soutirer ses two pence. Et moi, ça m'a étonné au premier abord qu'une séquence qui fait un petit peu peur hein, pour des enfants justement, et qui est très virulente contre le capitalisme, soit à ce point portée par Disney. Et après je me suis dit qu'en fait c'était pas très surprenant, parce qu'en fait là encore c'est un topos de la comédie musicale que de faire mine de dénoncer quelque chose pour directement le réhabiliter. Ouais. Jane Foyer, elle parle même d'un mouvement de démystification, remystification, comme si on faisait mine de montrer l'oppression pour ne finalement que la réappuyer. On a ça aussi. Encore plus pervers. Voilà, c'est encore plus pervers et encore plus convaincant en fait. On a ça aussi dans le Dumbo récent de Tim Burton, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, mais qui fait soi-disant la critique des parcs d'attractions et qui est produit par Disney. Ici, le capitalisme n'est pas du tout critiqué en tant que système, mais c'est simplement les individus qui sont mis en cause, comme si on avait les méchants et les gentils banquiers. Oui, dernier mot, Thierry. Oui, je dirais qu'en fait, ce qu'on oppose, c'est les gens qui sont tout amidonnés, les gens très sérieux, face aux gens qui sont décontractés, tout souriants. C'est ça la vraie dichotomie disneyenne, en fait. C'est un showman. Il cherche à attirer le grand public. Et il y arrive. Et il y arrive, très bien. Merci en tout cas, Thierry Beauchamp et Fanny Beret, d'être venus nous parler de Mary Poppins ce matin. On va se quitter. Alors, on a entendu beaucoup de chansons courtes à cette émission. On va se quitter avec une voix, celle de Julie Andrews, qui répondait à une interview. C'était, figurez-vous, le 12 octobre 2019. Mais avant ça, une archive du 27 août 1964, lors de la première mondiale de Mary Poppins à Hollywood. L'archive donc, et puis la voix de Julie Andrews. Say, I'm looking up, and I see something happening in the sky. Uh-huh. Here comes Mary Poppins now. That's the only way she'd come, you know. Ladies and gentlemen, here is Julie Andrews, Mary Poppins. Hi, how are you? I'm just wonderful. It's so good to have the star and the storyteller. How did you pick Julie for the part? Well, I went to New York and I caught the performance of Camelot. And then I went backstage and I tried to talk her into the thing and... He came back and mentioned this live-action animation film that he was hoping. Il est revenu et il a parlé de ce film à la fois avec de vrais acteurs et de l'animation qu'il espérait faire à partir du livre Mary Poppins de P.L. Travers. Et j'ai dit, oh, j'en serais enchantée. Je n'avais jamais fait de film. Et il était tellement gentil et charmant, adorable, que j'ai dit, mais je ne peux pas, je suis enceinte. Et il a dit, c'est pas grave, on attendra. La sévère et formidable P.L. Travers, qui avait créé Mary Poppins, lui a même téléphoné, un jour après la naissance du bébé. Elle m'a dit, bien, parlez-moi, j'ai entendu dire que vous alliez faire Mary Poppins. Et j'ai dit, je viens d'accoucher et je me sens un peu groggy en ce moment, Mademoiselle Travers, mais c'est une joie de vous parler. Et elle m'a dit, vous êtes beaucoup trop jolie, bien sûr, mais vous avez le nez pour ça. It's wonderful. However did you manage it? With tuppence for paper and strings, you can have your own set of wings. With your feet on the ground, you're a bird in flight. With your fist holding tight to the string of your kite. Oh, let's go fly a kite up to the highest height. Let's go fly a kite and send it soaring up through the atmosphere, up where the air is clear. Oh, let's go fly a kite. When you send it flying up there, all at once you're lighter than air. You can dance on the breeze over houses and trees with your fist holding tight to the string of your kite. Oh, no! Let's go fly a kite up to the highest height. Let's go. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Polémique, conflits, violences policières, émeutes, guerres, attentats, l'époque est à la colère et à la terreur. Ces mots ne cessent de revenir dans l'espace public. Au point que j'en suis venue à me demander si nous en avions oublié ce qu'était la paix. Cette fraternité, mes amis, nous invite à mener ensemble le seul combat qui vaille. Le combat de la paix, le combat d'un monde meilleur. Vive la paix entre les peuples et entre les États. Vive les nations libres du monde. Vive l'amitié entre les peuples. Vive la France. La paix est une chose dont on ne parle presque jamais. Cette absence m'a frappée justement quand j'ai entendu le mot dans la bouche d'Emmanuel Macron en novembre dernier. Quand j'y pense, j'ai l'impression d'ailleurs de n'entendre ce mot de paix que lors de grands événements, de grandes commémorations historiques ou de grandes réunions internationales. Et encore, on y parle plus de trêve ou de sortie de guerre. C'est comme si la paix n'était qu'une quête d'un autre temps qu'on croit définitivement acquise ou au contraire un idéal inatteignable. Il y a même quelque chose, je trouve, de vieux dans la notion de paix. Comme si elle ne nous concernait plus, comme si elle n'était plus d'actualité, à la mode, au quotidien, en politique et dans les réflexions actuelles. C'est paradoxal, car on ne cesse pourtant de déplorer, de regretter et même de s'inquiéter d'un climat véhément, dangereux, belliqueux. C'est ça que je trouve surprenant, la paix reste absente de nos esprits, le mot est très peu prononcé, alors même que l'on n'arrête pas de pointer les excès de la colère, de la polémique et des conflits. Pourquoi un tel paradoxe? Pourquoi s'attacher à la guerre plutôt qu'à la paix? Serait-il possible de faire le contraire, c'est-à-dire de se demander à quoi pourrait ressembler un état pacifique, serein, apaisé, de l'imaginer, de le penser et de le désirer? Après avoir marché plusieurs heures, Irène se retrouve en fin de cortège. Lors d'une charge de la police, son téléphone tombe une première fois. Sur une vidéo, on la voit prendre un coup de matraque sur le bras alors qu'elle tente de le récupérer. Elle se penche alors à nouveau pour le ramasser. J'étais de dos et je sens que je me prends encore un coup de matraque sur la tête au niveau du crâne. Le coup était tellement fort que je commence à avoir un petit peu flou, à tituber un petit peu. Je mets ma main au niveau de la tête et je vois que mes mains étaient en sang. Depuis plus d'un an, des gilets jaunes jusqu'aux grèves, la violence est au devant de la scène. On ne peut qu'être frappé par cette omniprésence de l'affrontement, par la dureté des rapports qu'on a aux autres, de la concurrence et la rivalité au travail, la suspicion et la méfiance dans la rue, jusqu'à la méchanceté virtuelle et j'en passe. Alors bien sûr, je ne suis pas naïve, mais je me demande, aurait-on oublié, parce que l'époque est dure, parce que l'on croyait la tranquillité acquise, ce qu'est la paix ? Quand j'y pense, c'est vrai que j'aurais du mal à décrire la paix en tant que telle. Alors bien sûr, il y a cette idée de sécurité, de tranquillité, d'assurance, de pouvoir se déplacer, travailler, aimer sans entrave. Elle est essentielle, nécessaire, mais elle est aussi comme le bonheur. Il est difficile de décrire la paix. Elle a quelque chose d'impalpable, d'intangible, d'impersonnel. La paix ne se décrit que par ce qu'elle n'est pas. Une absence d'entrave, d'opposition, de violence. C'est tragique, mais la guerre, les conflits, la colère ont plus de relief. Ils sont des problèmes en tant que tels. Ils posent des questions, ils nous frappent, ils nous soulèvent le cœur. Alors, comment décrire un état paisible, serein, calme pour lui-même ? The leaders of the world, but we want love, peace and love. Say the people of the world looking for love, don't want no war, oh. En 1651, Hobbes, le philosophe, a construit tout un édifice républicain, le Léviathan, dont la finalité était la paix. En 1795, Kant a lui aussi élaboré un projet de paix perpétuelle. La paix est une notion importante en philosophie politique. Mais je ne la trouve plus sous la plume des penseurs. Faut-il alors se contenter de dire que l'heure est au conflit, que la paix est trop difficile à saisir ? Eh bien justement, je crois que ce serait trop facile. La paix a, je crois, quelque chose de grandiose, d'écrasant. Mais je crois aussi qu'on en a fait ça. Un idéal, une déesse, un horizon lointain. C'est facile de se dire qu'elle est inaccessible. Ça évite de faire des efforts, d'imagination et d'action. On préfère les polémiques au débat, on préfère l'agression à la réconciliation. La paix serait-elle donc devenue un danger pour nous ? Nous ferait-elle violence ? C'est à se demander. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Salle en compagnie de Jules Barbier, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert et aujourd'hui, Lila. Une semaine réalisée par Nicolas Berger avec aujourd'hui à la prise de son Théo Gomard. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui chaque semaine donne la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, je vous proposerai de redécouvrir l'émission enregistrée avec Agnès Guiraud. D'ici là, pour réécouter cette émission sur Mary Poppins ainsi que les précédentes autour des comédies musicales, sachez que c'est très simple, très facile, vous vous rendez sur le site de France Culture, vous pouvez réécouter les émissions en ligne, la page des Chemins de la Philosophie, vous pouvez aussi les podcaster, les télécharger en les installant sur votre ordinateur ou votre téléphone portable afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez, en chantant, en dansant, c'est conseillé. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram où l'équipe des Chemins de la Philosophie anime un compte et sera ravie de recevoir vos commentaires, vos remarques et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.